Chapitre 6e. La manière dont Clément venait d'être traité par Faustine l'avait blessé à la fois dans sa vanité et dans sa passion romanesque, car il aimait, et cet attachement, qui d'abord fut pour lui un jeu, commençait à porter des fruits amers. « Ne suis-je donc un écolier à ses yeux ?» se demandait Clément, et cette question il n'osait ni y répondre, ni imaginer la réponse que Faustine y aurait faite. L'aimer, rien ne lui semblait plus naturel, mais être aimé d'elle, devenir son protecteur, c'était un bonheur qui dépassait de beaucoup ses rêves les plus ambitieux. Son dernier entretien avec elle n'était pas propre à relever sa confiance. Il résolut de se vaincre, lorsqu'il était temps encore, de considérer Faustine comme une divinité et de lui vouer le culte timide d'une respectueuse adoration. Quant à Faustine, elle n'avait rien deviné, rien soupçonné. L'instinct féminin, si subtil et si clairvoyant en pareil cas, lui avait manqué complètement. Il ne lui venait pas la pensée qu'on pût éprouver pour elle d'autres sentiments que ceux de l'amitié et de la sympathie d'un frère pour une sœur. Il ne lui échappait jamais un regard, un geste de coquetterie. Elle croyait que cette réserve devait écarter d'elle les hommages qu'on eût été tenté de lui offrir. Avec un homme qui eût possédé la moindre expérience, cela eût suffi, en effet, car l'homme qui a un peu vécu sait bien vite à quoi s'en tenir sur les chances de réussite. Un mystérieux je ne sais quoi l'avertit. Il se sent attiré ou repoussé, et il poursuit ou abandonne ses attaques. Mais Clément n'était point encore capable de lire dans ce livre, au langage hiéroglyphique, ce livre que les docteurs de l'université d'Iéna ne lui avaient point expliqué. Le pauvre Clément l'avait ouvert à peine. Enfermé dans une espèce de solitude, avec une de ces femmes accomplies qui, sans le savoir, sans le vouloir, malgré elle, fascinent les yeux et dominent les cœurs, lui, si neuf, si naïf, si facile à s'extasier, comment pouvait-il se défendre de la séduction? Et quel ravage la passion, une première passion, devait produire dans une âme ainsi disposée? Malheureusement, Faustine ne soupçonna rien de la vérité, et comment l'eût-elle fait? Elle ne regardait pas autour d'elle. Suivant son expression, ses pensées étaient ailleurs. De plus, Clément conservait toujours, du moins en apparence, ce fond de gaieté et de bonne humeur qui lui était propre. On eût dit que lorsqu'il se lançait dans le sentimentalisme allemand, il sortait de son caractère. Enfin, c'était un écolier et presque un enfant. Il aimait les enfants, il jouait avec eux. Il oubliait que Werther aussi les avait aimés. Un jour que Clément s'amusait à la balle avec le fils aîné de Waldorf devant la façade de la maison, Faustine lui dit « Vous êtes un excellent jeune homme, monsieur Clément, et vous méritez d'avoir une bonne femme. Je crois que vous la rendriez heureuse. » À cette interpellation inattendue, Clément demeura frappé de stupeur. Les couleurs qui animaient son visage s'effacèrent, il pâlit. « Bon, » prononça Waldorf, qui se promenait à quelques pas en fumant, et qui s'arrêta auprès des deux sœurs. « Est-ce que Clément songe à se marier ?»« Pourquoi non ?» demanda Louise. « Pourquoi non ?» répéta Waldorf avec gravité. « Parce qu'il n'est pas d'âge à cela. Attendez donc qu'il ait de la barbe au menton. »« De la barbe ?» ajouta vivement Louise. « Mais il en a plus que vous. Je parle de la barbe morale. » répliqua l'imperturbable Waldorf. « De la barbe qui fait qu'un homme est un homme. »« Ah, si vous parlez de la barbe morale, je n'y suis plus. » dit Louise en riant. « Quant à l'âge, interrompit Faustine, vous étiez presque aussi jeune que lui lorsque vous vous êtes marié, mon cher beau-frère. » « Les femmes ont le diable au corps pour manigancer les mariages, » remarqua sentencieusement Waldorf en aspirant une énorme bouffée de tabac au milieu de laquelle il disparut comme dans un nuage. « Et elles ont raison, » reprit Louise, « elles travaillent dans l'intérêt commun. »« Pas toujours, » ajouta Waldorf avec intention. Mais le mal est qu'elle fourre cette idée dans la tête des gens qui, sans elle, n'y auraient pas pensé. « Et qui s'en seraient repentis, » répliqua Louise, qui comprit le sarcasme décoché à sa tante. « Témoin vous, mon beau-frère, » dit Faustine, qui jugea à propos d'intervenir, « vous qui n'avez pas à vous plaindre de votre partage. » Ici, le bon Waldorf, dont les velléités satiriques n'étaient jamais de longue durée, jeta sur sa femme et sur ses enfants un regard plein d'affection. Puis il remit sa pipe dans sa bouche en homme qui a épuisé ses munitions et qui renonce à l'offensive. « Mais quel est l'avis de M. Clément ?» continua Faustine en s'adressant au jeune homme. Clément, pendant cette petite discussion, avait recouvré un peu de sang-froid. « Mon avis est que j'ai encore du temps devant moi, » répondit-il. Bien répondu, s'écria Waldorf enchanté. Oui, Clément a encore du temps devant lui, beaucoup de temps même. Il achèvera ses cours à l'université, il prendra ses degrés, après quoi il achètera une terre dans le voisinage et viendra s'y établir. Pendant ce temps-là, notre petite Joséphine aura grandi, et ma foi, n'est-ce pas, Clément ? Joséphine ? S'écria Faustine. Mais ce n'est encore qu'une enfant. Combien d'années, croyez-vous donc, que dureront les études de Monsieur Clément ? 8 ou 10. Moi qui vous parle, j'ai commencé à 14 ans. J'en avais 25 lorsque j'ai quitté l'université, et je n'avais pas fini mes cours. Dieu sait que de choses j'ai apprises. Quant à moi, je ne le sais pas, car je les ai toutes oubliées, ou à peu près. Je me souviens seulement que j'avais appris beaucoup de choses. Clément est entré trop tard à l'université. Je l'ai cependant assez prêché, mais il n'a rien voulu entendre. Chacun agit à sa tête, mon brave Max, répliqua Clément. Chacun sait aussi consulter son goût dans le choix d'une femme, répliqua Faustine. Bravo, murmura Waldorf. On revient au chapitre du mariage. Oui, madame, répondit Clément. Pour moi, je n'épouserai jamais une femme que j'aurais vu grandir sous mes yeux. « Pourquoi cela, s'il vous plaît ?» demanda Louise un peu choquée. « Parce que je voudrais pouvoir m'imaginer que ma femme est tombée du ciel tout exprès pour moi. »« Oh oh, pour le coup, Clément, » s'écria Waldorf, « voilà qui est ridicule, parfaitement ridicule. Il ne tombe du ciel que des grenouilles, et encore. Est-on bien certain qu'elle tombe du ciel ? L'année dernière, un de mes champs... »« Pas si ridicule, mon beau-frère, » interrompit Faustine, « j'aime cette idée. » J'aime qu'un homme veuille trouver dans sa femme autre chose qu'une servante ou une ménagère. Et moi, je soutiens que c'est un sentiment romanesque et rien de plus, dit Louise. Certainement, je ne désire pas que mes filles ne soient que les servantes ou les ménagères de leur mari, mais on devra les prendre pour ce qu'elles seront, c'est-à-dire pour de simples mortels. Ceux à qui il faut des anges et des archanges n'ont qu'à s'adresser ailleurs, je les en avertis. Combien ma façon de voir est différente, s'écria Faustine. Si j'avais une fille, et qu'un homme me la demanda sans l'aimer autant et plus que moi-même, s'il est possible, sans avoir pour elle une sorte de culte et d'adoration, fût-il riche et considéré, je ne la lui accorderais jamais. « Vous auriez tort, ma sœur, dit Louise. « Grand tort, répéta Waldorf, faisant écho. « Songez, Faustine, poursuivit Louise, que l'amour romanesque passe bien vite. L'affection qui naît des soins journaliers, de la communauté de soucis et de peines, a plus de force et de durée. Elle unit plus étroitement. On se lasse de tout ce qui est trop poétique, même des anges. Une bonne mère de famille a toujours son prix. C'est possible, répondit Faustine. Je connais moi-même la folie de mes idées, et je rends grâce à Dieu de ne m'avoir point donné d'enfant. Ma raison est d'accord avec vous, Louise. Mon cœur seul se révolte et proteste. Je serais volontiers, s'il le fallait, la servante de Marie. Mais ce devrait être moi, moi, Faustine, qu'il aurait choisi, et non une femme quelconque, plus ou moins faite pour remplir ses fonctions. « Eh bien, les bras m'en tombent d'étonnement, » s'écria Waldorf en ouvrant de grands yeux. « Qu'est-ce qui vous étonne, mon beau-frère ? » demanda Faustine. « Est-ce de me voir si raisonnable ?»« Non, » répliqua Waldorf. « C'est de vous entendre parler pour vous de l'état du mariage. »« Je ne le comprends donc pas, votre idée ?»« C'est un état qui ne vaut pas guère. »« Vraiment ?» « Je suis peut-être trop vieille. » Waldorf retira sa pipe de sa bouche et salua gauchement. « Une dame comme vous ne peut jamais vieillir, » dit-il en ayant l'air de s'applaudir d'un compliment si bien tourné. « Bravo, nous sommes galants, » poursuivit Faustine en riant de tout son cœur. « Mais si je ne suis pas trop vieille, je ne suis pas assez riche. »« Fi donc, ce n'est pas cela, » répondit Waldorf. « Tenez, ma chère belle-sœur, je vais vous parler franchement. Ne vous en formalisez pas. » Je croyais que, dans votre opinion, la femme devait vivre sur le pied de l'égalité avec son mari, ce qui est contraire à tout principe. Or, lorsque vous avez dit que vous seriez volontiers la servante d'un époux, il m'a semblé, j'ai pensé... « Quelles étranges créatures que les hommes !» interrompit Faustine. « Ils s'imaginent sérieusement que notre sexe est né pour être esclave du leur, qu'une moitié de la race humaine a été destinée à être la proie de l'autre. « Oh, ma belle-sœur !» s'écria Waldorf, étourdi de cette véhémence. « Ils prétendent, continua la jeune femme, que nos pensées leur appartiennent comme nos corps, que nous ne devons agir, parler, sourire, être tristes ou joyeuses que d'après leur permission, qu'il nous faut être sans cesse prosternés devant l'idole, et tout cela en vertu du droit divin qui les rend nos maîtres et nos tyrans. « Ah, ma belle-sœur, » dit encore Waldorf, Pour ce qui est d'être tyran, je n'ai jamais... Et ils ont bâti leur société sur ce principe, poursuivit Faustine. Ils le prêchent dans tous leurs livres. À chaque nouveau roman que je parcours, les romans français notamment, je m'indigne de voir telle ou telle héroïne en adoration perpétuelle devant un amant qui la néglige ou la trahit. Oh, si je faisais des livres. J'en ai fait plusieurs, remarqua Waldorf, en essayant de détourner la conversation. Mes livres de recettes et de dépenses forment... Mais Faustine poursuivit toujours. Cette condition d'infériorité où sont placées les femmes les démoralise. Comme tous les êtres que l'on maltraite, elles perdent le sentiment de leur dignité, elles s'abrutissent. Ah, ne faut-il pas qu'elles supportent aujourd'hui le manque d'égard, la mauvaise humeur, les injures, les coups, pour obtenir demain, de leur gracieux seigneur et maître, quelques châles ou quelques robes nouvelles dont elles ont besoin. Malheureuses qui vendent pour des colifichets leurs droits d'égalité. Clément, ajouta Faustine, et se tournant brusquement vers le jeune homme, si vous faites de la femme que vous épouserez votre esclave, je renonce à toute amitié pour vous. Il nous a déjà déclaré qu'il la considérait comme un ange, remarqua Waldorf d'un ton facétieux. Eh bien, qu'on lui trouve au plus vite une femme qui mérite ce nom, et avec de telles idées, il n'aura point à se plaindre du mariage. Clément avait écouté cette conversation dans un silence rêveur. Il avait le cœur navré. Cette idée à laquelle Faustine s'attachait comme à une idée fixe, l'idée de le marier, le jetait dans une tristesse amère. « Ah !» se disait le pauvre Clément, « si elle savait que pour moi il n'y a qu'une femme au monde, et que c'est elle. » À partir de ce moment, son humeur s'altéra d'une manière sensible. Sa gaieté disparut. Il s'absentait pendant des journées entières, et lorsque, par hasard, il restait à la maison, il se montrait sombre et taciturne. Avec un peu d'observation, on eut facilement remarqué qu'il fuyait Faustine et qu'il évitait de lui parler. Il n'était plus, comme auparavant, empressé à la suivre dans ses promenades. Quand elle le priait de l'escorter, il échangeait à peine quelques mots avec elle. Faustine ne s'apercevait de rien, car si l'amour est aveugle, l'indifférence l'est encore plus, et la jeune femme, dans sa passion pour la solitude, trouvait tout naturel que Clément aussi cherchât à être seul. « Mon Dieu, où sommes-nous ? » lui demanda-t-elle un jour qu'il l'avait accompagnée dans une excursion et que, débouchant d'un bois touffu, ils étaient arrivés à l'entrée d'une prairie que traversait une petite rivière. « Où sommes-nous maintenant ? Y a-t-il moyen de passer ce ruisseau ?»« Oui, madame, » répondit Clément. Et avant qu'elle eût pu soupçonner son dessein, il la souleva entre ses bras et, se jetant dans l'eau, il la porta jusqu'à la rive opposée. « Monsieur Clément !» lui dit Faustine d'une voix tremblante d'émotion. « Une autre fois, veuillez attendre que je vous demande votre assistance. » Et par un mouvement instinctif, elle secoua sa robe comme si le contact qu'elle venait de subir lui eût répugné. Clément remarqua ce geste, et il en ressentit un violent chagrin. Ce fut donc avec une préoccupation manifeste, et sans savoir ce qu'il disait, qu'il répondit à Faustine « Où nous sommes, en vérité, je ne sais pas. » « Alors pourquoi m'avoir fait traverser le ruisseau ?» demanda la jeune femme. « Pourquoi ?» répliqua Clément d'un air égaré. « Réellement, je ne saurais le dire. »« Allons, monsieur Clément, » reprit Faustine, « ce n'est pas le moment de rêver. Revenez à vous. Tâchez d'obtenir quelques renseignements aux environs. C'est humiliant. Mais enfin, puisque nous avons perdu notre chemin, il faut le demander. » Et en plaisantant de la sorte, il s'assit sur une pierre. Clément demeura debout à côté d'elle, immobile, les yeux fixes, comme si elle n'eût rien entendu. « Monsieur Clément, » dit Faustine, « qu'avez-vous ? Êtes-vous fatigué ?»« Je n'ai rien, » répondit Clément. « Je ne suis pas fatigué. Seulement je désirerais vous adresser une question. Faites-le donc vite, au nom du ciel. La solitude de ce lieu m'effraie. De quoi s'agit-il ? Vous venez de secouer votre robe comme si vous aviez aperçu quelque insecte dégoûtant. Pourquoi cela ? C'était là ce que vous aviez à me demander, dit Faustine. Eh bien, je n'aime pas qu'on pose la main sur moi, voilà tout. Vous n'espérez probablement pas que je vous remercie pour m'avoir porté ici dans vos bras, sans rime ni raison. Mon Dieu, que je suis malheureux ! S'écria tout à coup le jeune homme en se tordant les mains. Malheureux ? Répéta Faustine. Pour quelle raison ? Est-ce parce que vous avez perdu votre route ? Non, madame, non, répondit Clément avec une sombre énergie. Mais j'ai perdu la tête, je suis fou. Ce serait un malheur, en effet, reprit Faustine d'un ton froid et même sévère. Tâchez, monsieur Clément, de retrouver d'abord notre chemin. Vos idées se retrouveront ensuite et, une fois rentrées dans la bonne voie, vous ferez en sorte de ne plus en sortir. Il va pleuvoir, je crois. » Clément ne répliqua rien, mais aussitôt il prit sa course comme un insensé, traversa en quatre enjambées le ruisseau et, s'enfonçant dans les bois, il ne tarda point à disparaître. Faustine demeura seule, attendant son retour et réfléchissant sur ses façons étranges. La soirée n'était pas avancée. Cependant, les ombres commençaient à s'élever du fond des vallées. De grands nuages menaçants, dont le soleil couchant illuminait les bords, s'avançaient à l'horizon. L'eau du ruisseau coulait plus noire sous la voûte des saules et des peupliers, et le bois qui en bordait la rive opposée semblait former une muraille épaisse où l'œil ne distinguait aucun vide. Faustine jeta un regard inquiet autour d'elle, ce site sauvage qu'elle ne connaissait pas et dont le caractère se rembrunissait à chaque instant, lui causa un sentiment d'alarme. Quelques gouttes de pluie ajoutèrent à son inquiétude naissante. Elle se leva, déterminée à ne pas attendre plus longtemps le retour de son compagnon et à suivre le cours du ruisseau jusqu'à ce qu'il la conduisît à une maison habitée. Ce plan lui réussit à merveille. Au bout d'une demi-heure de marche, elle atteignit la grande route et se trouva à l'entrée du vallon d'Oberwaldorf. « Il faut réellement que Clément ait perdu la tête, comme il le dit, » pensa-t-elle. « Voici Oberwaldorf. Ce ruisseau se jette dans la petite rivière que nous longeons tous les jours. Est-il possible de s'égarer à si peu de distance de chez soi ?» La pluie tombait avec force. Faustine pressa le pas. En arrivant au château, elle était toute mouillée. Elle raconta son aventure et plaisanta sur la maladresse de son guide. « Le pauvre garçon vous cherche maintenant, » dit Louise. « Il doit être dans une anxiété mortelle. »« C'est une punition qu'il mérite bien, » répondit gaiement Faustine. « Vous auriez mieux fait de l'attendre, » continua Louise. « Oh, que non pas. Je serais peut-être encore exposé à la pluie, et seul, la nuit, dans un lieu désert. » »« Ces courses à travers champs finissent presque toujours mal, » remarqua Waldorf. « L'endroit où vous étiez s'appelle le Saut du Loup. Il fait partie de mon domaine. » C'est une prairie qui fournit d'excellents foins et où j'engraisse du bétail. Or, vous saurez que l'élève du bétail est d'un excellent rapport. Il y a d'abord l'article de l'engrais qu'il faut placer en première ligne, car le bétail fume la terre et le terrain bien fumé produit d'autant plus. Et que dit le proverbe, qui a du foin a du pain. Mon livre de recettes et de dépenses le prouve surabondamment. Faustine avait l'air d'écouter cette dissertation où se lançait le bon Waldorf. Louise eut pitié d'elle. « Voulez-vous changer de vêtements ? » demanda-t-elle à sa sœur en interrompant son mari. Faustine sourit et suivit Louise dans un autre appartement, tandis que Waldorf, étonné de leur départ, murmurait en secouant la tête. « Les femmes ont le diable au corps. Quand on leur parle de dépenser de l'argent, elles sont toutes oreilles. Quant aux moyens d'augmenter les recettes, elles n'y entendent rien et de plus ne veulent rien y entendre. » Louise est pourtant assez raisonnable, mais sa sœur... Pendant ce temps-là, qu'était devenu Clément? Après avoir erré au hasard dans le bois comme un homme dont les yeux et l'esprit étaient également troublés, il avait enfin repris quelque empire sur lui-même, et s'étant orienté, il avait facilement reconnu l'endroit où il avait conduit Faustine et le chemin qu'il fallait suivre pour regagner Oberwaldorf. Il courut rejoindre la jeune femme. Elle n'était plus à la place où il l'avait laissée. Elle était partie. Dans quelle direction? Clément ne le savait pas. Il voulut s'élancer sur ses traces. Le hasard lui fit choisir un sentier qui tournait dans un sens opposé. Plus il marchait, plus il s'éloignait du château. Bientôt les ténèbres l'environnèrent. La pluie commença à tomber. Clément appela sa compagne à grands cris. Il n'y eut que des bergers qui répondirent à sa voix. Il s'informa auprès d'eux de Faustine. Il ne l'avait point vue. Clément se désespérait. Non qu'il redoutât, pour la jeune femme, les voleurs ou les accidents de la route. Le pays jouissait d'une entière sécurité. La plaine était partout égale. Mais Faustine pouvait s'être égarée. Elle avait peut-être essayé de traverser le ruisseau dont le lit en quelques endroits était assez profond. Comme il arrive toujours en pareil cas, Clément se livrait aux plus tristes suppositions. Il se détermina enfin à regagner Oberwaldorf pour y donner l'alarme et activer les recherches nécessaires. C'était le parti le plus sage, celui qu'il aurait dû adopter tout d'abord. Il y arriva au moment où 11 heures sonnaient, 11 heures, et des lumières brillaient encore à plusieurs fenêtres. Faustine n'était donc pas rentrée, autrement tout le monde eût été couché au château. car d'habitude, chacun se retirait de bonne heure dans sa chambre. Agité de noirs pressentiments, le malheureux Clément, d'une main tremblante d'émotion, ouvrit la porte de la salle basse. Le premier objet sur lequel tombèrent ses regards fut Faustine, qui était descendue de son appartement et qui causait gaiement assise auprès du feu. Fou de joie et ne se possédant plus, il courut à elle, se jeta sur ses mains et, dans l'excès de son ravissement, les couvrit de baisers et de larmes. Moitié riant, moitié rougissant, Faustine dégagea ses mains de cette étreinte. Il fallut quelque temps à Clément pour qu'il pût reprendre un peu de calme et se remettre d'une secousse aussi violente. Alors, il fut assailli d'une foule de questions, mais Faustine eut pitié de son embarras et elle donna le signal de la retraite. Le lendemain, à l'heure accoutumée, Clément, d'un air suppliant, vint demander à Faustine la permission de l'accompagner dans sa promenade du soir. « Non, monsieur Clément, » répondit Faustine, d'un ton qui, pour être celui de la plaisanterie, n'en indiquait pas moins une détermination irrévocable. « Vous vous êtes montré mauvais guide, et vous m'avez gâté ce plaisir. Désormais, je n'ai plus confiance en vous. » Clément prodigua les promesses, les prières, les protestations, mais ce fut en vain. Faustine se montra inébranlable, et à partir de ce jour, elle ne se promena jamais que seule. Cependant, l'époque fixée pour son départ approchait. Faustine en témoignait assez ouvertement sa joie, et cette joie déchirait le cœur de Clément. La veille du jour où la jeune femme devait quitter le château, le hasard fit qu'elle se trouva seule un moment avec l'étudiant d'Iéna. Il rassembla tout son courage et d'une voix étouffée, « Madame, lui dit-il, c'est demain que je... que nous vous perdons. Puis-je espérer que, si vous pensez à moi, ce sera sans déplaisir ?» Un sourire se dessina sur les lèvres de Faustine, et ce sourire signifiait « Je ne pense guère à vous. » Pourtant, elle répondit avec un accent de bienveillante politesse. « Pourquoi penserais-je à vous avec déplaisir? Vous ne m'avez fait nulle offense. Mais cette soirée, où j'ai eu le malheur de vous abandonner dans la prairie, ah oui, cette soirée, où vous avez déployé si peu des qualités d'un guide fidèle. Rassurez-vous, monsieur Clément, je ne vous ai pas gardé rancune, et nous nous séparerons, bons amis. » « Bons amis, » répéta Clément, « et voilà donc tout. Deux fois adieu et après l'oubli. Ainsi va le monde, et c'est encore quelque chose de se séparer en bonne intelligence de ceux que l'on a connus. » Clément garda un instant le silence. « Permettez-moi de vous écrire, » dit-il brusquement. « M'écrire ? Mais je ne sais si je puis, si je dois. À quoi vous servirait-il de m'écrire? Je n'aurai pas le temps de vous répondre. » « Que vous êtes dur et insensible !» s'écria Clément, en la contemplant avec une expression d'amer reproche. « Pendant 5 semaines, vous avez vécu parmi nous, et après nous avoir habitués à la douceur de votre présence, vous nous quittez sans nous accorder un mot de consolation. Vous nous quittez sans regret et même avec joie. Il semble que vous soyez heureuse d'être délivrée de nous. Mais j'emporte d'Oberwaldorf un souvenir agréable. Faut-il, pour vous plaire, que je pleure et me lamente? Allons, monsieur Clément, laissez là vos exagérations romanesques, et souffrez que je sois joyeuse à la pensée de retrouver mon chez-moi. Quand vous reverrai-je? Où pourrai-je vous revoir? Ici, probablement, dans 2 ou 3 années, si le hasard veut que je vous y rencontre. Ah! S'écria Clément avec énergie. « Je n'attendrai pas les chances du hasard. Je vous reverrai plus tôt, et ailleurs. » Et il se précipita hors de l'appartement. Le lendemain, Faustine prit congé de toute la famille. Clément seul n'assista point aux adieux. Il s'était enfui du château au point du jour et errait dans les bois et dans les prairies où tant de fois il avait accompagné Faustine. Celle-ci, d'après le plan qui avait été convenu entre elle et Andlau, rejoignit le baron à Kissingen et de là, ils partirent ensemble pour la Belgique.